Chapitre 10e. Enfin le lac. Une immense nappe de métal en fusion, entourée d'arbres aux branches alanguies. Charity et Harney s'étaient procuré un bateau, et s'éloignant des appointements et des buvettes, ils se laissaient paresseusement aller à la dérive, cherchant l'ombre des berges. L'eau flambait sous le ciel voilé par une brume chaude, et l'ombre la plus légère devenait noire par contraste. Le lac était si poli et si calme que le reflet des arbres sur ses bords semblait être en émail. Mais à mesure que le soleil déclinait, l'eau devenait transparente, et Charity, se penchant sur le bord du canot, plongeait son regard fasciné dans des profondeurs si claires qu'elle voyait les cimes inversées des arbres se mêler aux herbes vertes du fond. Doublant une pointe à l'extrémité la plus lointaine du lac, ils accostèrent dans une petite anse contre un tronc d'arbre qui se penchait sur l'eau. Les branches de saule, longues et souples, retombaient sur eux comme un voile. À travers cette verte pénombre, les champs de blé scintillaient au soleil, et tout le long de l'horizon, les collines lointaines semblaient palpiter sous le ciel éblouissant. Charity s'était renversée sur les coussins de l'arrière. Harney rentra les avirons et s'étendit au fond de la barque sans parler. Depuis leur rencontre à l'étang de Creston, il avait toujours été sujet à ces accès de mutisme, à des silences songeurs n'ayant rien de commun avec ces moments où, tous deux, ils cessaient de parler parce que les mots devenaient inutiles. Son visage prenait alors l'expression fermée que Charity lui avait vue lorsqu'elle avait été pile la nuit du jardin de Miss Hatchard, et de nouveau, elle mesurait avec angoisse la distance qui les séparait. Mais le plus souvent, ces crises de distraction étaient suivies d'une explosion de gaieté qui faisait envoler l'ombre avant qu'elle n'en fût glacée. Elle pensait aux 10 dollars que le jeune homme avait donnés au Watman pour sa course. Ce n'avait été pour eux que 20 minutes d'agrément, et il semblait inimaginable à Charity qu'on pût payer un simple plaisir un pareil prix. Avec 10 dollars, Harney aurait pu lui acheter une bague de fiançailles. Elle savait que celle de Mrs. Tom Fry, qui venait de Springfield et était certée d'un brillant, n'avait coûté que 8 dollars 75 cents. Mais elle ignorait comment cette pensée lui était venue. Harney ne lui achèterait jamais un anneau de fiançailles. Ils étaient amis et camarades, mais rien de plus. Il avait été parfaitement loyal envers elle. À aucun moment il ne lui avait dit un mot pouvant susciter chez elle de fausses espérances. Charity se demandait ce que serait la jeune fille inconnue au doigt de laquelle il passerait un jour l'anneau. Les bateaux commençaient à devenir nombreux, et le bruit des tramways arrivant sans cesse annonçait le retour des foules du match de baseball. Les ombres s'allongeaient sur les eaux gris-perles. Deux nuages blancs près du soleil prenaient peu à peu un reflet d'or. Sur la rive opposée, les hommes travaillaient avec hâte à terminer un échafaudage de bois dans un pré. Charity demanda ce qu'ils faisaient. « Ce sont les préparatifs pour le feu d'artifice. Il y aura quelque chose d'épatant. » Harney la regarda, un sourire dans ses yeux tristes. « Avez-vous jamais vu un beau feu d'artifice ? » demanda-t-il. « Miss Hatchard fait toujours partir de belles fusées pour la fête du 4 juillet, » répondit-elle. « Oh ! » fit-il avec une moue dédaigneuse. « Je veux dire un grand spectacle, tel qu'on en donne ici pour les jours de fête, bateaux illuminés, bouquets et tout le reste. » Elle rougit de plaisir. « Est-ce que l'on tire des fusées sur le lac ? » ?»« Plutôt. N'avez-vous pas remarqué ce grand radeau près duquel nous avons passé ? C'est merveilleux de voir les fusées plonger dans l'eau sous vos pieds. » Harney rajusta les avirons dans les tolets. « Si nous devons rester ce soir, » dit-il, « nous ferons bien de tâcher d'attraper quelque chose à manger. »« Mais comment pourrons-nous rentrer à North Dormer si tard ? » risqua-t-elle, sentant qu'elle aurait une tristesse infinie s'il fallait rentrer sans avoir vu toutes ces belles choses. Il consulta un petit horaire, trouva un train à 10 heures du soir et la rassura. « La lune se lève si tard qu'il fera sombre à 8 heures, et nous aurons plus d'une heure pour voir le feu d'artifice. » Le crépuscule tombait déjà, et des lumières commençaient à s'allumer au bord du lac. Les tramways qui arrivaient de Nettleton devenaient comme de grands serpents lumineux, rampant à travers les bouquets d'arbres de la berge. Les chalets restaurants se couvraient de lanternes, et l'air s'emplissait de l'écho de rire et de cris joyeux mêlés au clapotis des flots sous les rames. Harney et Charity, attablés dans le coin d'un grand balcon au-dessus du lac, attendaient patiemment qu'on les servît. Au-dessous d'eux, toute proche, l'eau battait les pilotis de leur terrasse, agitée par les évolutions d'un petit vapeur blanc tout enguirlandé de globes de couleur, qui faisait le tour du lac. Le pont de ce bateau était déjà noir de monde, car il allait faire son premier trajet. Tout à coup, Charity entendit un rire de femme derrière elle et se retourna. Une bande de jeunes filles aux toilettes voyantes et de jeunes gens portant des chapeaux de paille posés très en arrière sur la tête et des insignes maçonniques à la boutonnière avaient envahi la terrasse et réclamé une table à grands cris. La jeune fille qui semblait à la tête de la bande était celle qui avait ri. Elle portait un grand chapeau orné d'une longue plume blanche et ses yeux peints dévisageaient Charity, amusée de la rencontre. « Dites donc, est-ce que cela ressemble assez à la fête du Old Homewick ?» fit-elle à la jeune femme qui était près d'elle. Et toutes deux échangèrent des ricanements et des coups d'œil. Charity s'était tout de suite aperçue que la femme à la plume blanche était Julia House. Elle avait perdu sa fraîcheur. Le noir sous ses yeux rendait son visage plus mince. Mais ses lèvres avaient la même courbe charmante et le même sourire froidement moqueur, comme si elle venait de découvrir quelque ridicule caché chez la personne qu'elle regardait. Charity rougit jusqu'aux oreilles et détourna les yeux. Elle se sentait humiliée par le ricanement de Julia et vexée que la moquerie d'une telle créature pût l'affecter. Elle tremblait à l'idée que Harney pût remarquer que la bande bruyante l'avait reconnue. Mais ils ne trouvèrent pas de table libre et sortirent en tumulte du restaurant. Bientôt, au-dessus des têtes de la foule, un doux sifflement se fit entendre et une pluie d'argent tomba du ciel nocturne. Dans une autre direction, de pâles chandelles romaines éclatèrent une à une à travers les arbres. Puis, une fusée à chevelure de comète balaya l'horizon. Entre ces lueurs intermittentes, la nuit descendait plus sombre, et dans les intervalles d'éclipse, les cris de la foule se calmaient et n'étaient plus qu'un long murmure étouffé. Charity et Harney, dépossédés par de nouveaux venus, furent enfin obligés d'abandonner leur table et de se frayer un chemin à travers le monde qui se pressait à l'embarcadère. Pendant un moment, il semblait qu'ils ne pourraient sortir du flot des nouveaux arrivants. Mais à la fin, Harney put s'assurer les deux dernières places sur une estrade, d'où les privilégiés pourraient voir le feu d'artifice. Chacune de leurs deux places était au bout d'un rang, l'une au-dessus de l'autre. Charity avait enlevé son chapeau pour mieux voir, et toutes les fois qu'elle se rejetait en arrière pour suivre la courbe d'une fusée, sa tête s'appuyait contre les genoux de Harney, qui avait pris place derrière elle. Après un moment, les feux dispersés cessèrent. Un plus long intervalle d'obscurité suivit, puis tout à coup la nuit tout entière s'ouvrit comme une fleur. De chaque point de l'horizon, des arches d'or et d'argent s'érigèrent et s'entrecroisèrent, des jardins célestes fleurirent, répandant des pétales de flammes, étalant leurs branches lourdes de fruits d'or. L'air était rempli d'un doux bourdonnement surnaturel, comme si de grands oiseaux bâtissaient leur nid sous les cimes invisibles de ces arbres géants. De temps en temps, les feux d'artifice cessaient et le pinceau lumineux d'un projecteur déversait un flot de clarté lunaire sur le lac. Elle montrait, dans un éclair, des centaines de bateaux, tout noirs au milieu de l'éclat moiré de l'eau, puis elle se retirait, comme avec un repli de vastes ailes translucides. Le cœur de Charity battait de plaisir. C'était comme si toute la beauté latente des choses venait de lui être dévoilée. Elle ne pouvait s'imaginer que le monde contînt quelque chose de plus merveilleux. Mais elle entendit quelqu'un dire « Attendez le bouquet, attendez la pièce principale !» Et ses espérances prirent aussitôt un nouvel essor. Enfin, juste au moment où il lui semblait que tout le ciel noir n'était plus qu'une immense paupière abaissée sur ses yeux éblouis, d'où jaillissaient sans fin des étincelles de lumière multicolore, l'ombre de velours s'étala de nouveau sur toute chose et un murmure courut dans la foule. « Voilà, voilà, enfin cela va venir !» dit la même voix excitée. Et Charity, serrant son chapeau entre ses mains, l'écrasa dans son effort pour réprimer son extase. Pendant un moment, la nuit parut devenir plus impénétrablement noire. Puis, un grand tableau se dressa contre l'obscurité, pareil à une constellation naissante. Sur une banderole d'or se détachaient les mots « Washington traversant le Delaware ». Et à travers un flot de vagues dorées, le héros national passa, immense et solennel, les bras croisés, debout à la poupe d'un navire d'or qui s'avançait lentement. On entendit un lot « Oh, oh !» L'estrade craquait et tremblait sous les trépidations de joie de la foule. « Oh, oh !» soupira Charity. Elle avait oublié le lieu où elle se trouvait. Elle avait même fini par oublier le voisinage de Harney. Il lui sembla qu'elle avait été ravie dans les étoiles. Le tableau disparut et l'obscurité retomba. Subitement, elle sentit deux mains étreindre sa tête, encadrant son visage renversé, et les lèvres de Harney s'appuyèrent sur les siennes. Avec une véhémence soudaine, elle mit ses bras autour de la jeune fille, la tenant serrée contre sa poitrine, tandis qu'elle lui rendait ses baisers. Un harnais inconnu se révélait, un harnais qui la dominait, tandis qu'elle se sentait elle-même en proie à un nouveau pouvoir mystérieux. Mais la foule se mit en mouvement, et il dut desserrer son étreinte. « Venez, » dit-il, d'une voix incertaine. Il sauta de l'estrade, et levant les bras, la reçut quand elle sauta à son tour. Puis il la prit par la taille, la protégeant contre la poussée de la foule. Elle se collait à lui, sans voix, exultante, comme si toute la cohue qui les entourait n'était rien de plus qu'un remous d'air. « Venez, » répétait-il, « essayons de prendre le tramway. » Il l'entraînait, et elle suivait, perdue dans son rêve. Il marchait, comme s'il n'était plus qu'un seul être, isolé dans leur extase, à ce point que les gens qui les bousculaient de tous les côtés semblaient impalpables. Mais quand ils atteignirent le terminus, le tramway illuminé était déjà prêt à partir, ses plateformes noires de voyageurs. Les voitures qui attendaient à la suite étaient tout aussi encombrées, et la foule était si dense qu'il semblait inutile de lutter pour avoir une place. « Dernier départ pour le lac !» hurla un mégaphone sur l'appontement, et les lumières du petit vapeur se mirent à danser dans les ténèbres. « Inutile d'attendre ici, si nous faisions le tour du lac, » proposa Harnais. Ils se frayèrent un chemin jusqu'au bord de l'eau, juste au moment où la passerelle s'abaissait. La lumière électrique au bout de l'appontement frappait en plein sur les passagers en train de débarquer, et parmi eux, Charity aperçut Julia Hose, sa plume blanche de travers, son visage empourpré, un rire canaille sur les lèvres. Comme elle mettait pied à terre, elle s'arrêta court, ses yeux cerclés de noir pétillant de malice. « Tiens, Charity Royale » cria-t-elle, et retourna la tête. « Ne vous avais-je pas dit que c'était une fête de famille ? Voici la petite gosse à grand-papa qui vient le ramener à la maison. » Un rire étouffé courut dans le groupe, et tout à coup, dominant son entourage et s'affermissant sur la rampe dans un effort désespéré pour se tenir droit, Mr. Royal descendit la passerelle d'un pas raide. Comme les jeunes gens de la bande, il portait un emblème maçonnique à la boutonnière de sa redingote. Il avait un panama neuf sur la tête, et son étroite cravate noire, à demi dénouée, bandait sur son devant de chemise froissée. Son visage, d'un brun livide, tacheté de rouge par la colère, et ses lèvres pendantes, comme celles d'un vieillard, étaient effrayants à voir, dans l'aveuglante clarté qui baignait la foule. Il se tenait derrière Julia Hose, une main sur son bras. Mais quand il quitta la passerelle, il se dégagea et fit un ou deux pas à l'écart. Il avait tout de suite reconnu Charity, et son regard allait lentement d'elle à Harnais, dont le bras l'entourait encore. Il s'arrêta, les fixant, essayant de maîtriser le sénile tremblement de ses lèvres. Puis il se redressa, avec la majesté chancelante de l'ivresse, et étendit le bras. « Sacrée garce, fille en cheveux » prononça-t-il lentement. Il y eut dans le groupe une explosion de gaieté ivre, et Charity, involontairement, porta les mains à sa tête. Elle se souvint alors que son chapeau était tombé de ses genoux quand elle avait sauté au bas de l'estrade, et tout à coup, elle se vit nu-tête, échevelée, le bras d'un homme autour de sa taille, face à face avec cette bande de gens ivres, ayant à leur tête la pitoyable figure de son tuteur. Le tableau la remplit de honte. Elle connaissait depuis son enfance le fâcheux penchant de Mr. Royal. Elle l'avait vu assez souvent, assis seul et morose le soir dans son bureau, une bouteille de whisky devant lui, ou rentrant lourd et querelleur de ses voyages d'affaires à Hepburn ou Springfield. Mais l'idée qu'il ne puisse s'afficher publiquement avec une bande de filles et de piliers de bar ne lui était jamais venue. « Oh » s'écria-t-elle dans un sanglot de douleur. Et s'arrachant les bras de Harnais, elle vint droit à Mr. Royal. « Il faut rentrer avec moi. Venez tout de suite. » dit-elle d'une voix basse et autoritaire, comme si elle n'avait pas entendu sa grossière apostrophe. Une des filles cria « Dis donc, combien lui en faut à celle-là » Il y eut un autre rire, suivi d'un silence, pendant lequel Mr. Royal continua à foudroyer Charity du regard. À la fin, ses lèvres contractées se desserrèrent. « J'ai dit, sacré garce » répéta-t-il avec force, en s'appuyant sur l'épaule de Julia. Des rires et des plaisanteries commençaient à s'élever dans la foule et une voix cria de la passerelle. « Allons, allons, avancez, tout le monde à bord !» La poussée des voyageurs montant et descendant sépara les acteurs de cette scène rapide et les rejeta dans la cohue. Charity se retrouva au bras de Harnais. Elle sanglotait désespérément. Mr. Royal avait disparu et dans le lointain, elle entendit se perdre les échos du rire de Julia. Le bateau, noir de passagers, venait de quitter le quai, partant pour sa dernière course.